Bon, le processus de l'inhibidification. Il y a une personne qui me disait, d'ailleurs c'est Mario Gosselin qui faisait le message sur le répondeur téléphonique, et il m'a dit, je ne sais pas si je vais devoir le recommencer souvent, je bégaye à chaque fois que je dois dire le mot. Alors je lui ai dit, imagine-toi, moi je donne une conférence là-dessus vendredi. L'inidentification. Eh oui. C'est un processus qui est hautement utile dans l'évolution de la conscience chez l'homme. Évidemment, lorsque je parle de l'homme, je parle de la femme et de l'enfant. Il n'y a pas d'âge pour se conscientiser. Et ce que je viens de dire fait partie du processus de l'inidentification. Il n'y a pas de sexe pour évoluer. Et cela aussi fait partie du processus de l'inidentification. Il n'y a pas de meilleur plan de vie qu'un autre pour changer. Il n'y a pas de meilleur pays. Il n'y a pas de meilleures conditions d'évolution que d'autres. Et ce que je viens de dire fait aussi partie du processus de l'inidentification. Le processus de l'identification est le processus par lequel l'homme est assujetti à vivre une condition plus ou moins lamentable en tant qu'être cosmique, à vivre une condition où il voit, à travers sa conscience, passer comme de l'eau sa vie. La vie, c'est comme de l'eau. L'homme, au lieu d'être la rivière, s'identifie à un pont. Et s'identifiant au pont, il calcule l'eau qui passe en dessous, voyant celle qui vient, laissant nostalgiquement passer celle qui s'en va et essayant de bénéficier de celle qui se trouve en dessous. Et là est le problème de l'identification. L'homme, ce n'est pas un pont. L'homme, c'est la rivière. Et la rivière, elle contient l'eau. Elle contient l'eau du début à la fin, alors que le pont ne se contente que d'observer que ce qui se trouve en dessous. Les particules d'eau qui vont mouiller le support du pont vont être l'expérience mémorielle de l'homme, et le pont va tout faire pour s'imbiber d'eau, de façon à conserver l'illusion qu'à l'intérieur de lui, persiste encore un peu la vie passée, et l'homme appelle cela la mémoire. Et la mémoire, elle s'oublie à la longue, comme l'eau qui mouille le béton sèche et s'évapore à la longue. Évidemment, l'eau qui s'évapore est remplacée par une eau fraîche, qui mouille encore les piliers qui supportent le pont. De même, dans la mémoire de l'homme, ce qui s'oublie est remplacé par de nouvelles mémoires, plus fraîches. Et lentement, les piliers du pont s'usent à regarder l'eau passer. S'usant, des cavités apparaissent. Et dans ces cavités, plus d'eau peut être stockée, emprisonnée. Et encore une fois, le pont est convaincu qu'il canalise plus d'eau. Et plus il pourra ramasser d'eau de la rivière, plus il prétendra appartenir à la rivière. Comme l'homme prétend appartenir à la vie, lorsque l'homme a la faculté de se rappeler même des dates des événements passés. Mais lentement, cette mémoire, cette eau, gruge. Et lentement, à la longue, à force de gruger, le pont commence à descendre. Et descendant vers l'eau, le pont se dit, « L'eau monte vers moi. » Et lentement, l'homme, qui était jeune et qui devient un homme d'âge mûr, pense se rapprocher de la vie. Enfin, je ne suis plus un enfant. Je suis libre. Je vais maintenant vivre. Mais ce n'est pas l'eau qui s'approche du pont, c'est le pont qui descend vers l'eau. Parce qu'il est grugé, parce qu'il a cumulé par la mémoire, par l'eau. Et à un moment donné, le pont touche l'eau. Et finalement, le pont est emporté par l'eau. Et lorsque le pont est emporté par l'eau, il est mouillé, imbibé de mémoire. C'est exactement le même processus lorsqu'une âme pénètre le monde de la mort. Elle ne devient que de la mémoire. Sans aucune persistance de conscience, elle ne peut même plus observer l'eau qui coule parce que le pont coule avec l'eau. Elle ne peut plus observer la vie parce qu'elle n'a plus la faculté d'expérimenter la vie, parce qu'elle n'a plus de corps physique. Elle est morte. Le processus de l'identification, c'est lorsque l'homme, qui est une rivière, se prend pour un pont. Pour comprendre le phénomène de l'inidentification, on doit parvenir à comprendre un concept nouveau, celui de l'existence totale. L'existence totale, cela veut dire que tout ce qui existe ne peut pas exister s'il n'a pas eu de début et ne peut pas exister s'il n'y a pas de futur. Cela veut dire qu'une chose n'existe cosmiquement que dans sa totalité temporelle. Autrement dit, vous n'êtes pas ce que vous pensez être. Autrement dit, lorsque l'être humain s'identifie, il va dire « j'ai 40 ans », c'est le pont. Lorsqu'il dit « j'ai 12 ans », il joue au pont. Lorsqu'il dit « j'ai 63 ans », il joue au pont. Parce que l'homme n'est jamais ce qu'il semble être. L'homme est l'accumulation de tout ce qui a été et de tout ce qui va venir. Mais parce que l'être humain s'identifie à une parcelle de matière, à une parcelle de temps, il devient un pont. Et devenant un pont, il essaie de tout faire pour conserver la rivière. Et le pont va même vouloir devenir un barrage. Et le barrage prétendra contrôler le flot de l'eau. Mais le barrage sait toujours que s'il veut empêcher l'eau de passer, il viendra un temps où l'eau passera par-dessus. Alors le barrage dit « je décide d'ouvrir les vannes ». Illusion du libre-arbitre. Si le barrage n'ouvre pas les vannes, l'eau passera par-dessus. Alors l'humain, de la même façon, de temps en temps se dit « je dois oublier, je dois me refaire, je dois suivre un cours de relations humaines, je dois changer ». Oui, parce que sinon la vie va passer par-dessus la tête de l'homme. Chaque fois que l'être humain veut changer, c'est parce qu'il est acculé dans un cul-de-sac où la vie va le démolir, où la vie va le noyer. Alors l'homme, la femme, l'enfant se dit « je dois changer ». L'existence totale, cela veut dire, et j'ai déjà expliqué en conférence, que l'avenir était accompli. Que le passé était accompli et que le présent n'était que la conscientisation très limitée dans le temps de cette mécanicité du futur accompli et du passé accompli. Le présent, si on veut déterminer avec exactitude ce qu'il est, le présent, on n'arrive même pas à le toucher. Je prends la main et je la bouge. Présentement, elle est où? On n'arrivera jamais à dire présentement où elle est. Parce que finalement, elle n'est jamais présentement quelque part. Elle a été quelque part, elle va quelque part, présentement, elle est là. Alors, on prend un chronomètre, on prend les secondes et on dit, il est 18, non 19, non 20. Et là, je marche avec des dixièmes de seconde. Si je prends les centièmes de seconde, chaque fois que je vais nommer un chiffre, j'aurai tort. Le présent est un phénomène qui n'existe pas. À travers cette illusion temporelle, l'homme joue le pont. Il s'identifie. J'ai 40 ans. Et les 40 années que tu oublies, c'est quoi? Un jour, j'expliquais que l'homme était comme un pissenlit. Un pissenlit, c'est quelque chose qui sort de la terre et qui a une toque verte. Un pissenlit, c'est une plante qui est jaune. Un pissenlit, c'est une grosse boule de pollen blanc. Mais finalement, un pissenlit, c'est quoi? C'est le gugus vert, c'est le gugus jaune ou le gugus blanc? C'est quoi un pissenlit? Alors, si je dis à quelqu'un, qu'est-ce que c'est que ça? Il va me dire, c'est un pissenlit. Je dis à la même personne, et ça? Ah, c'est aussi un pissenlit. Ah, ben, l'affaire blanche, ah, c'est un pissenlit. Et bordel, c'est quoi un pissenlit? Alors, c'est quoi l'homme? Si le pissenlit s'identifie dans une chose, dans ce qu'il va appeler lui le présent. Pourquoi? Parce que sa conscience, elle est présentement bloquée dans le temps là. Alors il dira, c'est ça. Et là, il prétendra dire, je change. Alors que l'homme ne change pas, le pissenlit non plus. Mais là, le pissenlit pourra dire, je vieillis. J'étais vert, je suis devenu jaune, et maintenant j'ai les cheveux blancs. Alors il va dire, je vieillis. Mais c'est faux. Parce qu'un pissenlit, ce n'est pas une chose blanche. Un pissenlit, c'est l'accumulation temporelle de la naissance à la disparition. En réalité, à la procréation. Et c'est ça, un pissenlit. Alors, l'homme, dans son évolution cosmique, bien souvent comique, l'homme, dans son évolution, il s'identifie. Et l'identification chez l'homme entraîne nécessairement le désir de poursuivre, comme le pont, d'accumuler de l'eau, pour pouvoir se dire, si je ne suis pas à la rivière, je serai du moins suffisamment mouillé pour pouvoir jouer à la rivière. Mais l'eau gruge, et là, lorsque le pont tombe, on doit rebâtir un autre pont. Le concept de l'existence totale est quelque chose qui doit être compris comme ceci. Il y a la naissance. Il y a l'enfance, il y a l'adolescence, il y a l'âge mûr, il y a l'âge super mûr, et il y a l'âge d'or. La conscience de l'homme, elle a la faculté de se véhiculer dans le temps. La conscience de l'homme, elle est placée ici. Alors la conscience de l'homme va dire... Je suis un enfant. La conscience de l'homme, elle chemine à travers des mémoires. Et elle va dire, je suis un adolescent. La conscience de l'homme, elle chemine et elle va dire, je suis une personne âgée. N'importe quand la conscience de l'homme peut revenir et dire, ah tiens, j'ai rajeuni. Le problème, c'est que la conscience de l'homme, elle est supportée par la conscience de l'âme, la conscience de l'astral, la conscience de l'ego. La conscience de la mémoire de ce que cette conscience a vécu. Ce que je veux dire, c'est que lorsque ma conscience voit que je suis jeune, elle le mémorise. Et le mémorisant, elle m'interdit d'y revenir. Pourquoi elle m'interdit d'y revenir? Parce que je ne penserai pas pouvoir y revenir dans la conscience, parce que je peux plus facilement y revenir dans la mémoire. Alors, me rappelant ce que j'étais, je dis que je me rappelle ce que j'étais. En réalité, je me rappelle ce que je suis. Parce que ma conscience, qui peut être fragmentée, parce que 80% de ma conscience reste stagnante à peu près dans une visualisation de ce que je suis dans la totalité, je dis, j'étais large. Et lorsque ma conscience chemine à travers l'écoulement du temps, l'identification du moment me donne l'illusion que je vieillis. Lorsque l'enfant vient au monde, il est déjà vieux. Lorsqu'une personne naît, elle signe à la naissance son arrêt de mort. Parce que la conscience de l'homme chemine à travers un temps, sur les mémoires d'une chose déjà accomplie, ça donne l'illusion à la mémoire qu'il vit. Et c'est un problème majeur chez l'homme, c'est que sa mémoire a l'impression d'être vivante, alors que tout ce qui est mémoire est mort. Qu'est-ce que c'est une mémoire qui a l'impression d'être vivante? C'est la personne qui observe quelque chose et qui dit « c'est beau ». Elle le compare à d'autres mémoires. Et pour comparer, l'homme ne peut pas comparer une chose qu'il voit dans l'instantané. L'illusion est très subtile, mais lorsque l'être humain regarde une chose, finalement ses yeux ne la voient même plus, sa conscience regarde la mémoire de la chose. Et là, il compare la mémoire à d'autres choses dans sa mémoire. Et l'être humain a l'impression qu'il vit. Quand est-ce que l'humain a l'impression qu'il vit? Lorsqu'il souffre. Il est stimulé par la vie. Il souffre, pourquoi? Parce qu'il est déçu que la réalité ne soit pas en concordance avec ses concepts, ses désirs, ses espoirs. L'humain a l'impression qu'il vit lorsqu'il est joyeux, lorsqu'il est heureux. Parce que lorsque l'humain n'est ni stimulé par la joie ou par le malheur, il s'ennuie. Et là, il va au moins inventer une autre douleur pour le stimuler un peu. Il va appeler ça la distraction. La distraction, c'est simplement s'empêcher de réfléchir. S'empêcher de réfléchir veut dire s'empêcher d'être assujetti à un vomissement mémoriel incontrôlé qu'on appelle la pensée, une pensée débile, celle qui vous empêche de dormir le soir, celle qui vous rappelle les choses que vous voulez oublier, celle qui vous fait dire « Hey, oublie pas que tu l'haïs, celui-là. Ah oui, c'est vrai, je l'haïs. » Celle qui manipule l'homme. L'inidentification est un processus qui engendre ce que la mémoire, l'homme, appelle les maîtres. L'inidentification est quelque chose qui engendre ce que l'homme, la mémoire, appelle l'enfant. L'inidentification est ce que la mémoire ou la créature du temps, l'homme, appelle les dieux. Le problème dans tous ces phénomènes, c'est que l'homme s'identifiant tellement à la conscience très limitée qu'il a de lui-même, il s'arrange aussi pour identifier les autres avec la même conscience limitée. Ce qui engendre une mécanicité problématique où l'homme non seulement se voit comme un pont, mais est convaincu que tout ce qu'il voit est aussi un pont. Alors, il se passe ceci. Il se passe que dans la partie plus ou moins inconsciente de la conscience de l'homme, des mémoires lui font dire que n'importe quand il peut être jeune. Alors, la mémoire, l'homme, ça se lance vers la recherche des élixirs de jouvence, vers la recherche d'une pierre philosophale, vers la recherche de l'éternelle jeunesse. Mais l'éternelle jeunesse, cela voudrait dire que l'être humain doit rester stagnant au niveau de la conscience dans un corps jeune. Mais cela veut aussi dire que tous les événements extérieurs ne doivent pas changer. Parce que l'évolution apparente du vieillissement corporel est reliée à la mécanique de la gestion temporelle de tout ce qui existe autour de lui. C'est-à-dire que le corps impose son espace-temps à l'extérieur. Donc, si on veut conserver un corps jeune, le reste devra rester jeune. Et la conscience de l'homme ne veut pas cela. L'être humain est toujours en recherche, dans une quête de quelque chose d'autre. L'homme essaie continuellement de remplir sa mémoire d'eau. Autrement dit, le pont ne se contente pas d'être la rivière. Pourquoi? Parce que dans sa conscience limitée, il n'est pas capable de percevoir dans une totalité existentielle la rivière. Il ne perçoit que ce bout de la rivière, ou ce bout-ci, ou ce bout-là, ou ce bout-là. Alors, lorsqu'il perçoit ce bout-là, il se demande où est le reste. Lorsqu'il perçoit celui-ci, il dit « Crime, j'ai vieilli ». Lorsqu'il revient, parce qu'il va revenir, la philosophie, la théologie appelle cela la réincarnation. C'est un moyen très illusoire de faire en sorte que l'être humain puisse, dans une mécanique acceptée par la mémoire du monde de la mort, retrouver la conscience d'un corps jeune. Et on se plaît à appeler ça réincarnation. C'est bien évident. Lorsque la mémoire tient absolument à conserver son corps, bien, le corps ne rajeunira pas. La personne ne veut pas. Parce que pour rajeunir, on doit oublier. C'est-à-dire que la conscience doit maintenant revenir. Lorsque la mémoire de la rivière qui est ici veut rajeunir, elle veut, si c'est l'homme, ramener toute l'eau avec elle. Mais ça ne marche pas. Ça passe par-dessus à un moment donné. Et l'homme doit oublier. Quel âge avez-vous? C'est une question absolument idiote. Lorsque l'être humain répond, il répond par le processus d'identification. On n'a pas d'âge. Premièrement, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. À partir de quoi? Cosmiquement, ça veut dire quoi dans 15 milliards d'années? Et finalement, c'est quoi? Sinon, vénérer l'identification. Le jeune a hâte. L'autre s'en fout. Puis l'autre n'a plus hâte. Et ça reste la même chose, ça reste assujetti au processus d'identification. Qu'est-ce que c'est l'homme? Qu'est-ce que c'est la femme? Qu'est-ce que c'est l'enfant? Qu'est-ce que c'est? Et c'est simple. Premièrement, l'homme n'est pas le corps. La rivière, ce n'est pas de la terre. De la terre, il y en a partout. Mais ce partout ne contient pas tous de l'eau. Il n'y a pas la vie dedans. La rivière, ce n'est pas la terre. Alors l'homme, ce n'est pas le corps. Mais bien souvent, l'homme, c'est le corps. Parce que l'homme s'identifie. Quand je parle d'homme, je parle de femme. S'identifie. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Au lieu de s'arranger pour avoir une conscience qui peut supporter de la vie, de la jeunesse, une conscience plus expandue, et se rapprocher de la conscientisation de l'existence totale des choses, futur accompli, qu'on n'a rien qu'à se rappeler, et passé accompli, qu'on peut se rappeler, qu'on peut oublier. Présentement, on se rappelle le passé, on oublie l'avenir. Lorsque l'homme, lorsque la femme veut rajeunir son corps, elle pense rajeunir sa perception du corps. Elle pense rajeunir sa conscience, mais elle s'identifie au corps. Alors, il se maquille, alors il se fait remonter le visage. Il paraît que tous ceux qui vont à Hollywood se font remonter le nez, même quand ils ont un bon nez. Il se passe quoi? Bien, il se passe que l'être humain essaie d'empêcher sa conscience qui se véhicule sur le temps de percevoir la matière qui coule sur le même temps. Les maîtres, ce ne sont pas des personnes qui aident les autres. Ce sont des gourous. Lorsque moi, je parle de maître, je parle d'une personne qui se maîtrise et qui ne maîtrise pas autrui. Je veux dire, lorsque je parle de maître, d'une personne qui est son seul maître. Parce que l'homme est son seul maître, il est un maître. Alors l'homme n'est plus assujettissable aux manipulations extérieures. L'homme ne souffre plus psychologiquement. Et l'homme a une conscience qui lui permet de conscientiser l'existence totale. L'existence totale de ce qu'il est. Et de par le fait même, l'existence totale de tout ce qui est. Et la mémoire, l'homme, parce que dans l'homme, il y a un 5% d'instantanéité en moyenne et 95% de mort de mémoire. Et l'être humain vénère plus sa mort que la vie. L'être humain vénère plus la mémoire. L'être humain préfère retourner dans les mêmes paysages. L'être humain préfère retourner dans les mêmes pays de vacances. L'être humain préfère retourner dans les mêmes familles à Noël. L'être humain préfère revenir chez lui après 2-3 semaines de départ. L'être humain préfère revenir dans la mémoire, parce que dans la mémoire, il n'y a rien de neuf. Et comme 95% de l'être humain est de la mémoire, eh bien nécessairement, il se complète dans la mémoire. Le maître est celui qui n'a aucun attachement, pour la simple raison que, considérant sa nature totale comme existence, il ne peut absolument pas s'attacher à quoi que ce soit. S'attacher à une chose veut nécessairement dire s'identifier. Ce que j'ai dit ce soir, vous ne pourrez pas appliquer ça comme ça. Ça va de soi. Mais on doit comprendre le principe. Vous savez qu'il y a des solutions. Là, l'homme, bien souvent, les personnes viennent en conférence et ils savaient qu'ils étaient pognés. Puis après la conférence, bien là, ils sont sûrs d'être encore plus pognés. Bon. Et il y a des solutions. L'homme, je l'ai dit souvent, l'homme, ce n'est pas de la merde. L'homme, c'est autre chose. C'est l'enfer. Mais c'est autre chose. L'homme, c'est un principe hautement parfait, et je l'ai expliqué souvent en conférence, mais bien souvent, les gens comprennent les parties négatives et se refusent de percevoir les parties plus positives. L'homme a un rôle, bloquer l'évolution expansive de l'univers. L'homme a déjà accompli sa tâche, ce que nous sommes, nous. Nous sommes la mémoire de celui qui l'a accompli, nous sommes la mémoire de l'accomplisseur, avec un 5% de sa conscience. Et lorsque je dis ce que nous sommes, je parle au nom des mémoires, au nom des créatures du temps, c'est-à-dire au nom de l'homme, qui n'est que de la mémoire. Une mémoire très problématique, une mémoire qui oublie. Et une chance qu'elle oublie, parce qu'elle n'oublierait pas, elle resterait stagnée en arrière. L'homme vit des solutions. Il y a dans cette création suffisamment de phénomènes pour permettre à la conscience qui habite chacun des individus de cette planète de pouvoir se libérer de l'attraction de la mémoire. La seule chose, c'est que ce qui habite l'être humain, une partie plus ou moins consciente, et qui vit d'une existence totale, c'est-à-dire qui vit au-delà du temps, donc l'avenir, le passé, pour lui, c'est la même chose, cette partie qui habite chacun des humains de la planète est une partie qui sert de tuteur, c'est-à-dire qu'il a un rôle de recteur. Il dirige. Il dirige la mémoire de façon à ce que la mémoire s'accumule l'une sur l'autre pour finalement échapper au temps, et nécessairement le temps sera détruit, le temps sera emmagasiné dans l'échappatoire de la mémoire. Mais le problème, c'est que la mémoire, elle goûte à l'intelligence instantanée, à l'énergie supramentale, à l'esprit, appelez ça comme vous voudrez. Et cette mémoire, y goûtant, elle a suffisamment de substances qui la contiennent pour pouvoir parvenir à engendrer le processus que nous devons abandonner, l'identification. Alors la mémoire finit par prétendre être. La mémoire, elle est théologiquement appelée l'âme. Elle est ésotériquement appelée le monde astral, corps astral, personnel des individus. Et la mémoire, donc l'âme, elle a un gros problème, c'est que tout ce qui doit être régi l'est fait apparemment en fonction d'elle. Donc, la mémoire, elle va dire, je ne veux pas voir Dieu, montrez-moi sa photo. Et quand j'aurai vu la photo, ce sera suffisant. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne que la majorité des mémoires planétaires aiment bien regarder la télévision parce que seulement en regardant les photos, eh bien, ils ont l'impression d'avoir vécu. Alors, j'ai pas besoin d'aller en Afrique, j'ai pas besoin de voyager. Moi, j'ai vu Indiana Jones, j'ai qu'à écouter la musique, puis je suis dedans, c'est la mémoire. On n'a plus besoin de vivre. L'homme est autre chose que de la mémoire, mais l'identification suprême chez l'homme est l'identification agglomérative du phénomène mémoriel. Le processus de l'inidentification fait en sorte que la mémoire, à l'intérieur de chacun des êtres humains, abdique totalement face à l'instantané. Et ça veut dire quoi, abdiquer totalement face à l'instantané? Cela veut dire qu'il y a une partie chez l'homme qui a la faculté de raisonner à l'instantané, une partie chez l'homme qui a la faculté de ne pas avoir besoin de mémoire pour continuer à conscientiser le fait qu'il vit. Le maître, c'est ça qui le différencie des créatures temporelles. C'est qu'il n'a pas besoin de se rappeler pour savoir qui il est. Alors que l'homme, lui, doit continuellement se rappeler pour savoir qui il est. Et ça, c'est le processus même de l'expression de l'âme. L'âme, c'est l'homme, créature du temps, accumulation de mémoire. Je l'ai déjà dit, je le dis très rapidement pour qu'on resuive. L'âme, c'est un personnage qui n'a pas la faculté de se voir. Et il n'a pas de corps physique, il ne peut pas s'expérimenter. Ne pouvant s'expérimenter, il ne peut savoir qu'il existe. Et c'est pourquoi les âmes ont peur de la mort, parce qu'ils sont convaincus que plus de corps physique, ils ne pourront plus savoir qu'elles existent. Elles vont exister, mais dans un autre continuum. Alors, c'est exactement comme le personnage qui marche dans la neige et qui ne peut pas se voir ni se sentir. Il ne sait pas qu'il existe. Alors, continuellement, l'âme qui est en gestation dans le monde de la mort est un bonhomme qui marche dans le désert ou dans la neige et il ne sait pas qu'il existe. Mais lorsqu'à un moment donné, on lui donne un corps physique, on lui donne des yeux, on lui donne les oreilles de l'ego, on lui donne un nez, une bouche, on lui donne un système tactile. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le bonhomme marchant dans la neige peut maintenant, en regardant, voir ses traces. Ah! Et en voyant ses traces, ben là, il se dit « Merde, c'est moi ». Qu'il est fait. C'est la mémoire. La trace, c'est la mémoire du passage, notre bonhomme. La trace n'est pas de l'instantané, c'est la mémoire. Mais là, observant la mémoire, l'ego, l'âme, va dire « j'existe ». Et le gros problème, c'est que cette existentialité fait que pour continuer à goûter la vie, l'âme doit continuellement se rappeler. Et le maître n'a pas besoin de se rappeler. L'inidentification, c'est ce qui permet à l'humain de ne plus vivre de la force du rappel pour pouvoir continuer à conscientiser le fait qu'il vit. Un bonhomme a déjà dit « Je pense, donc je suis. » S'il pense, c'est qu'il était. « Je ne pense pas, donc je suis. » Mais si tu le dis, c'est que tu penses. T'étais. Tu dis rien, voilà, c'est fait, tu es. Lorsque l'être humain perd totalement la conscience de sa mémoire, il n'est plus identifié. Il vit du processus de l'inidentification. Je vais faire un petit peu de pratique. Alors, ceux qui sont fragiles, asseyez-vous. Voilà. Vous savez que l'évolution, on n'est pas venu ici ce soir pour regarder la télévision, n'est-ce pas? Bon. L'évolution, c'est quelque chose qui demande nécessairement de la part des individus d'être capable d'accepter le changement. Mais l'évolution, c'est comme quand on va chez le dentiste. On va pas là pour se faire dire qu'on a des belles dents. On va là pour se faire dire qu'on a aussi qu'on a des caries. Lorsqu'un individu vient à une conférence, il s'attend, sinon à se faire flatter l'ego, du moins à ne pas se faire attaquer. Surtout quand il paye 10 piastres. Mais le problème, c'est que celui qui est parfait ne vient pas à une conférence. Et si on ne fait que parler des choses parfaites de l'humain, on le vole. Alors nécessairement, on doit de temps en temps s'attaquer à ce qui nuit à l'homme. C'est quoi le processus de l'identification? Mais regardez ceci. Là, ce soir, évidemment, votre attitude sociale a changé. J'ai commencé à parler. Il y a des choses qui se passent. Énergétiquement, la salle est différente et puis ça change les choses. Bon, au niveau de la conscience. On peut mieux supporter certaines choses. Mais le processus de l'identification permettrait à l'être humain de ne pas être manipulé par les choses qui ne le touchent pas. Autrement dit, l'homme, donc l'homme, la femme, l'enfant, doit cesser de vivre des continuums de vie qui ne le regardent pas. Mais évidemment, l'humain a le nez fourré partout. Alors, on fait une expérience. Et quand on fait cette expérience, il y a des personnes qui sont tellement mémorielles qui vont dire « Ah, il ne devrait pas parler de même. » C'est ça. Écoutez pas ce que je dis, jugez. Comme ça, ça protège. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, allez tous chier! Le rire est une protection. La frustration est une protection. L'intellectualisation est une protection. Et tous ceux qui n'ont eu absolument rien, mais qui ne dormaient pas, n'est-ce pas? Ceux qui ont entendu et qui ne sont rien passé, sur ce moment donné-là, ils n'étaient pas identifiés. Lorsque l'être humain atteint le processus de l'inidentification, ce n'est pas fait pour le restant de ses jours. Non, parce qu'il ne peut pas mémoriser l'inidentification. Ça, c'est important que vous compreniez. C'est comme la personne qui arrive à supplanter sa peur. C'est pas fait pour le restant de ses jours. On ne peut pas mettre dans la mémoire de la conscience d'instantané. On ne peut pas mettre dans la mémoire de la conscience intelligente, c'est-à-dire de la conscience supramentale ou de la conscience espritique. On ne peut pas. Alors, lorsque l'on réussit une fois, ce n'est pas accompli pour le restant des jours qui viendront en avant ou qui sont en arrière. Lorsque l'on réussit une fois, eh bien, l'on réussit une fois. Je prends l'exemple de l'identification. Prenons l'exemple de ceux qui ont une attitude d'arriver en retard. Bon, un exemple comme ça ici, je vise personne. Bon. Quand un être humain est en retard, il s'identifie, si j'en parle. Pourquoi l'homme n'est-il pas capable d'abandonner tout processus d'identification inutile et nuisible dans le seul but d'être heureux? Eh bien, l'homme n'est pas capable d'être heureux parce qu'il est convaincu que s'il ne se rappelle pas le bonheur qu'il y a eu en arrière, il n'aura pas l'impression d'être heureux. Une personne que vous rendez heureux, vous lui posez la question, « T'es heureuse, hein? » Elle va répondre, « Oui, mais ça arrive tellement pas souvent. » L'homme, la créature du temps, l'homme, a besoin de se rappeler quelque chose pour pouvoir accréditer le fait que c'est là. Et ça, c'est le problème qui fait que la majorité des êtres humains souffrent, vieillissent, meurent, sont malades, et c'est ce qui engendre l'illusion évolutive dans l'âme de l'évolution. Tout est accompli. On n'a pas besoin d'évoluer. On a simplement à cesser de s'attacher à ce qui ne nous appartient pas. Du point de vue cosmique, lorsque l'être humain a été implanté sur la planète Terre, il était habité d'énormément plus de conscience supramentale ou instantanée que l'homme l'est aujourd'hui. La raison, la planète Terre était en densification, elle était chaude, c'était une boule de feu. Le temps n'était pas aussi aggloméré. La masse de notre planète, je l'ai dit de notre Soleil, parce qu'à l'époque c'était presque ça, n'avait pas la même valeur qu'aujourd'hui. Pour que la conscience qui devrait habiter la mémoire, l'homme, le corps. Vous savez que le corps, c'est la mémoire. Mon corps se rappelle comment il est. La preuve, il ne change presque pas. Il change. Il change, pourquoi? Parce qu'il s'effrite au contact de la vie, comme le pont s'effrite au contact de l'eau. Mais, grosso modo, ma main, elle reste ce qu'elle est. Toutes les liaisons électroniques, ioniques, etc., les liaisons atomiques et moléculaires font en sorte que ça reste ce que c'est. N'importe quelle matière a de la mémoire. La matière se rappelle sa forme. Cette belle plante ici en plastique, elle se rappelle sa forme. Ça se rappelle. Pour que la partie de conscience qui est ce qu'en réalité vous êtes, daigne bien accepter de vivre dans un phénomène mémoriel, pour le diriger, pour que cette partie daigne bien vivre dedans, nécessairement, il fallait engendrer à l'intérieur de la mémoire un processus qui aurait la faculté de s'accaparer totalement de l'instantané. Ce processus qui permet à la mémoire de s'accaparer de l'instantané, c'est le processus d'identification. Il y a une logistique, il y a de l'intelligence à identifier quelque peu les choses. Moi, je peux dire, toi, tu es un homme. Je peux dire, toi, tu es une femme. Je me trompe pas trop. Bon. Sauf que toi, tu ne peux pas dire que tu es un homme. Et toi, tu ne devrais pas dire que tu es une femme. Parce que là commence le problème. Alors moi, je peux dire, Pierre, viens ici. Parce que je ne suis pas télépathe. Sinon, Pierre viendrait ici. Mais non, j'aurais su pourquoi Pierre ne vient pas. Mais Pierre ne peut pas prétendre réagir immédiatement à ce que je dis et venir. Pierre doit comprendre que la communication, c'est-à-dire que l'état, l'événement que j'aimerais créer, il est impliqué dedans. Mais si je dis Pierre, t'es un imbécile, si Pierre s'identifie pas à ça, à lui, au nom, je pourrais jamais atteindre Pierre. Et là, on va trouver que Pierre est un imbécile. Parce que Pierre ne souffre pas quand on lui dit qu'il est un imbécile. Hein? N'est-ce pas une personne qui n'est pas imbécile devrait au moins se mettre en colère quand on lui dit qu'il est un imbécile? Et lentement, si chaque fois que je viens, je donne une claque dans le visage de Pierre, paf! Mais Pierre, il habite son corps, Pierre. Habitant son corps, il n'a pas eu l'impression qu'on l'avait frappé. Il a eu l'impression que de la matière venait de frapper de la matière. Et si Pierre voit l'intelligence de continuer à habiter ce corps du point de vue de la conscience, il va s'arranger pour préserver l'intégrité du corps. Mais jamais Pierre ne sera frustré. Jamais. Et si Pierre pense que de dire au gars merci, ça va donner plus d'effet écologique que le reste, Pierre va dire merci. Alors là, on pourra dire, c'est vrai que c'est un imbécile. Mais lentement, on aura pitié de l'imbécile. Et on va cesser de l'achaler l'imbécile. Ce que vous, en tant qu'être humain non imbécile, il ne vous arrivera pas. Quand une personne qui manque de logistique, on appelle ça une personne qui a des problèmes mentaux, rentre quelque part et renverse un verre, on dit, ben oui, mais c'est pas de sa faute. Mais on ne l'identifie pas comme une personnalité authentique. On l'identifie comme une collectivité. Et ça ne nous touche pas. Mais vous, vous rentrez dans la même maudite maison, puis vous faites la même affaire, puis là, vous allez avoir des bêtises. Parce que là, vous, on vous identifie. Et étant donné que vous supportez l'identification, ne vivant pas du processus de l'identification, eh bien, vous allez donc accepter que les autres vous massacrent, vous manipulent, vous donnent des compliments ou vous donnent des bêtises, vous fassent souffrir ou vous rendent heureux. Pour la simple raison que vous-même, vous avez accepté de vouloir être quelqu'un. Être quelqu'un veut nécessairement dire être mort. La personne qui veut être quelqu'un, elle est prête à faire en sorte que tout ce qui peut être merveilleux chez elle disparaisse, si ces choses merveilleuses ne font pas partie du concept d'identification qu'elle vit. Moi, je veux être une bonne mère de famille. Moi, je veux être un bon plombier. Moi, je veux être quelqu'un de riche. Moi, je veux être... Bref, voilà. Et tout ce qui pourrait te permettre d'être ce que tu es, tu vas l'oublier pour l'identification. Il n'y a rien qui puisse vous toucher. Lorsque l'être humain vit le processus de l'inidentification, rien ne peut toucher l'homme. Et c'est ce qui engendre les maîtres. Et quand je parle de maître, je parle de celui qui est son seul maître. Son seul maître ne veut pas dire qu'il peut faire tout. Son seul maître veut nécessairement dire qu'il est disponible. Cela veut surtout dire que rien ne peut venir manipuler son plan astral, c'est-à-dire son ego, c'est-à-dire sa psychologie, c'est-à-dire rien ne peut venir engendrer chez lui de l'émotion. Un maître n'a pas d'émotion. Celui qui s'identifie a de l'émotion. Parce que l'émotion est la réexpression de la mémoire, d'une perception par le sentiment. L'émotion est une mémoire morte de la perception vivante de l'événementiel, de l'événement. Et les maîtres n'ont pas d'émotion. Un maître peut pleurer, mais jamais un maître ne va broyer. Un maître exprime le rire. Mais c'est un rire qui est différent de... Il va écouter les insolences d'une caméra, mais non, pas ça, ça c'est sûr qu'on ne rira pas. Bon, il va écouter quelque chose de drôle, et puis il va sourire si la vibration est intéressante. Mais il ne pourra pas rire comme les humains conventionnels. Pourquoi? Parce que le rire, c'est lorsqu'on vient amener une idiotie à travers les concepts de l'âme, et ça fait rire l'ego. Le maître n'a pas d'émotion, et celui qui a de l'émotion est nécessairement identifié à lui. J'aime pas ça. Tu as identifié un événement, et toi, tu t'es identifié comme étant un individu qui ne peut pas vibrer de ça. Donc, nécessairement, tu t'identifies à quelque chose qui n'aime pas ça. Et nécessairement, tu n'aimeras pas ça. Si l'on dit à quelqu'un, ben oui, mais t'as rien qu'à aimer ça, tu règles ton problème. Quand il pleut, t'aimes pas ça. Mais quand il pleut, aime donc ça. Identifier à quelqu'un qui n'aime pas la pluie. Pourquoi? Parce que dans mon passé, dans ma jeunesse, j'ai eu une mauvaise expérience. Je dormais sur le gazon à l'âge de 4 ans, la bouche ouverte, le nez en haut. Il a commencé à pleuvoir, je fais me noyer. Bon. Alors, nécessairement, je n'aime pas ça, la pluie. Pourquoi t'identifies-tu à des mémoires du passé qui, à un moment donné, étaient très localisées dans une conscience matérielle des codes du corps d'un enfant de 4 ans? Et au nom de ça, toute ta vie, conservant la mémoire avec toi, pourrais-tu de dire que j'ai déjà vécu? Va continuer à lire la pluie. Et là, je vais pouvoir me vanter de dire, oui, mais je suis fait comme ça. Je suis identifié à une connerie. Je suis pas fait comme ça. C'est pas pareil. L'inidentification libère. Libère. Mais l'inidentification ne se fait pas comme ça. Savez-vous pourquoi? Parce que ce qui est identifié dans l'homme va prétendre que l'inidentification, c'est sa mort. Eh oui, c'est ce qu'il va prétendre. Et c'est aussi ce que je prétends. C'est vrai. Lorsqu'un être humain décide de changer, ce qui l'anime présentement meurt. Lorsque vous étiez colérique et que vous devenez patient, la partie colérique chez vous, elle est morte. Sauf que si l'humain conscientiserait l'idée qu'il doit se détacher, je ne parle pas de détacher spirituellement, je parle de détacher au niveau de la conscience. Donc, s'il veut parvenir à s'identifier, à cesser de s'identifier, très rapidement, la conscience supramentale va venir l'habiter. Très rapidement, il aura un contact fusionnel avec son ajusteur de pensée. Très rapidement, il va devenir son seul maître. Lorsque je dis très rapidement, c'est très rapidement. C'est instantané. Mais celui qui a de la mémoire va penser que l'instantané que je viens de dire mesure 100 ans. Ou 10 ans. Quand un humain... Bon, quand j'ai... Dans le séminaire, de temps en temps, on revient toujours avec le même phénomène. C'est... Oui, mais à l'âge que j'ai, il est trop tard. Avec tout ce que je viens de leur dire, on me dit ça souvent. Non. Quel âge as-tu? Ah, ben j'ai 62 ans. Non. Tu as peut-être 984 ans. Tu as peut-être 2827 ans. Et tu as peut-être 64 ans. L'identification tue. La personne qui doit obligatoirement transformer le visuel de son corps physique, elle s'identifie. Elle s'identifie à une mémoire du passé, à un point tel que le physique ne continue à lui couler dans la vie et à se brûler dessus. Elle ne peut pas, dans sa conscience, accepter d'être ce qu'elle était, et elle va plutôt vouloir jouer à ce qu'elle était. L'émotion fait partie de l'identification. Donc, toute souffrance humaine fait partie de l'expérience des créatures du temps, de l'expérience volutive de l'homme. Et l'émotion fait partie de ça. L'émotion est une agression massive qui tue le corps. L'émotion engendre une expression endocrinienne qui donne à l'ego la possibilité de lire par l'essence interne son expression, les traces qu'il laisse dans la neige. Et là, il va dire, « Ah ben, j'ai peur. Ah ben, je suis heureux. Ah ben, je suis inquiet. » Bon, sinon, hein, si vous avez peur, puis il n'y a rien dans votre corps qui le transmet, votre cœur accélère pas, il n'y a pas de transpiration, il n'y a rien. Vous allez dire, « J'ai pas peur. » Si par contre on vous injecte de l'adrénaline à votre insu, puis le cœur commence à accélérer, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, vous allez voir que vous allez avoir peur, ça va long. Et ça, c'est un problème, l'identification. Qui ici est son corps? Personne. Mais beaucoup le pensent. C'est pourquoi ils vont vouloir le bronzer, c'est-à-dire l'exposer aux rayons ultraviolets, même si ça engendre le vieillissement de la peau. Temporairement, on va le bronzer. Puis quand on va être plissé, ben, oh, pour l'instant, je ne suis pas plissé, il m'a fait bronzer. Bon. Mais une personne qui est bronzée n'est pas plus belle. Parce que ce n'est pas le corps qui détermine la personne. Elle n'est pas plus belle. Son corps est plus brun. Il y a une nuance. Mais elle s'identifie aux cellules cutanées de son corps. Elle a un bouton à la mauvaise place, puis elle peut s'identifier au bouton au complet. Et remarquez la problématique. On s'identifie au drapeau québécois, on s'identifie aux fleurs d'Elysée, on s'identifie au drapeau américain, on s'identifie à quoi? On s'identifie à notre compagnie, on s'identifie à notre sexe, on s'identifie à notre travail, on s'identifie à notre prénom, à notre nom de famille. Pourquoi toute cette chose? Exclusivement pour pouvoir, par cette identification passée, se rappeler qu'on est, ce qui nous donne l'impression qu'on vit. Maintenant, on doit essayer de faire une transition de l'illusion. Vous vivez. La preuve que vous vivez, c'est que vous accumulez de l'expérience de vie dans vos mémoires. Sauf qu'au lieu de regarder la vie, on regarde la mémoire. Je donne l'exemple souvent des personnes qui font un voyage, qui prennent plein de photos, puis quand ils reviennent chez eux, bien là, ils regardent leur voyage, puis ils disent « Ah, mais maudit, c'était beau! » Parce que tout le temps qu'ils ont voyagé, ils ont pris des photos, ils n'ont pas regardé. L'homme vit de la même façon. L'identification. Le maître, on le prend en photo, et on vient lui voir, puis on lui montre la photo, puis on lui dit « Regarde! » Et le maître, il regarde, il dit, « Oui, très beau papier. » Et là, on dit, « Tu veux, t'es dessus? » Le maître va dire, « Non, je ne suis pas dessus. » « Mais c'est ta photo. » « Ben, si tu me la donnes. » Et on va dire, « C'est un imbécile. » C'est un imbécile qui ne souffrira jamais. C'est un imbécile qui n'aura jamais de problème psychologique ou émotif. C'est un imbécile qui mourra peut-être un jour avec le sourire. C'est un imbécile qui pourra manger une claque dans plein visage sans être offusqué. C'est un imbécile qui, de toute façon, sera toujours ce que l'humain non imbécile aura cherché à être. Le fou est l'ami du sage. Le sage sait qu'on le prend pour un fou, mais il s'en fout. Le fou ne le sait pas. Et la nuance entre l'un et l'autre, la conscience. Entre les deux, il y a toute l'identification suprême de l'homme. Il y a celui qui est intelligent, celui qui est wise, celui qui est vite, celui qui est niaiseux, celui qui est un récif, celui qui est médiocre, celui qui est paranoïaque, celui qui veut réussir dans la vie, prouvant qu'il ne réussit pas, celui qui est féministe, celui qui est maudite femme, celui qui est maudit homme, celui qui est vieux, celui qui est jeune. Il y a tout le monde entre le fou et le sage, entre le débutant et le maître. Entre les deux, il y a l'identification. Du point de vue très limité, l'inidentification libère, comme ça, l'homme, de toutes ses manipulations astrales, de toutes les manipulations de la pensée, de tout ce qui le manipule du point de vue de la psychologie et qui finalement forge toute sa vie. Je veux avoir une maison, manipulation psychologique, parce que si tu n'aurais jamais appris que les maisons existaient ou qu'on pouvait l'acquérir, ou si tu n'aurais jamais été programmé dans ton éducation pour en désirer une, eh bien, tu n'aurais pas besoin d'acheter une maison. Tu te contenterais de la maison que tu as. Ouais, mais on ne change rien dans notre vie, on n'améliore rien avec ça. Non, mais tu meurs pareil, que tu améliores ou pas. L'important n'est pas d'améliorer la condition matérielle pour pouvoir souffrir plus confortablement. Non, ce n'est pas ça l'évolution de l'homme. L'évolution de l'homme, c'est de cesser de souffrir. C'est-à-dire de prendre conscience de la mécanicité qui nous assujettit. Quel que soit l'endroit où on prend un être humain, où on met un être humain, ses problèmes sont là. Ah, oh, mais c'est le quartier. Si je change de quartier, ça va être mieux. Tu prends personne, tu changes de quartier, puis au bout de 6 mois, j'ai recommencé. Même si l'être humain dirait « il faudrait que je change de corps ». Non. L'évolution de la mémoire, elle est tributaire de l'accumulation, donc de la mémorisation. Alors, tout au long de sa vie, l'homme veut accumuler. Il aimerait que son auto ne rouille pas. Il veut accumuler de l'argent, accumuler peut-être des enfants, accumuler des amis, accumuler du temps, accumuler des bons souvenirs. Et cette vie d'accumulation fait en sorte que l'être humain, comme un tel un pont, se brûle au contact de la vie, au contact de l'eau. L'identification, c'est le processus qui permet à l'homme d'accumuler de la matière, de transformer l'illusion de son monde pour pouvoir essayer de devenir quelque chose qui n'appartient qu'à l'instantané, donc qui n'appartient qu'au phénomène de l'inidentification. La personne ne peut pas apprendre à être humble. Parce que si elle l'apprend, elle se forge, forgeant, elle devient consciente qu'être humble, c'est bon, et nécessairement, c'est déjà le début de l'avant-gardise. L'inidentification. Tu marches, puis on te bouscule. Tu marches, puis on te rebouscule. Puis ça ne change rien à ta vie. C'est évident que si tu es toujours à mon plat ventre à terre, ça ne change rien à ta vie. Ça ne change foutrement rien à la vie de votre conscience. Ça change quoi à la vie de votre corps? Mais pas à la vôtre. Et parce que j'ai besoin du corps, je vais le relever, le corps. Puis le prochain qui va pousser va peut-être me tasser, va sourire, va dire excusez. S'il tombe, on me l'aide à se relever. Ou me passer dessus. Mais je n'aurais pas souffert au niveau du plan émotif. Quand on regarde des vues d'art martial, ceux qui de temps en temps ont regardé ça, eh bien, on a la vue, on peut voir une mémoire se battre. Comment ça se bat, la mémoire? Ça se bat comme ça. Hey! Hey! Une mémoire qui se bat. Ça se bat comme ça. Un maître se bat comment, un maître? Si le reste bat, un maître, ça se bat comme ça. Prends son bâton, il s'en va. Ça bat comme ça, un maître. Pourquoi? Parce que le maître a la faculté d'oublier l'événement instantanément. Il ne s'identifie pas à un événement. Et qu'est-ce que va faire la mémoire? Hey, il me se fait attaquer, t'as du voir. Qu'est-ce que va faire le maître? T'as-tu des pommes, j'ai faim. Pas d'identification à l'événement. L'événement ne vous appartient pas, alors essayez pas de vous l'approprier d'une façon mémorielle. C'est ça, encore une fois, la problématique de l'identification. Ce qui fait qu'à un moment donné, votre vie est plus plate que celle que vous avez vécue. Le processus de l'inidentification entraîne chez l'être humain, premièrement, l'être humain devient anémotif, il ne vit plus d'émotion. Il perçoit le sentiment. Il y a une période de questions après. Ceux qui sont émotivement mal pris lorsque je dis ça, vous pourrez poser des questions. Le processus de l'inidentification libère totalement la conscience, pas l'homme, la conscience qui habite l'homme. Et cette conscience qui vous habite, bien, dans la structuration de la mémoire, on essaie tellement de la copier, de la plagier, qu'on finit par créer un processus qui vit un simulacre d'évolution et qui s'appelle l'évolution spirituelle, et qui s'appelle l'évolution de l'âme, et qui s'appelle l'évolution de l'homme. Et ce phénomène-là, ici, après des milliers d'années, n'a pas changé. Le Nazaréen est passé, il a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Et aujourd'hui, on dit « Aimons-nous les uns les autres », puis on continue à faire la même affaire qu'avant. Ben oui, tout le processus, c'est un processus mémoriel. Ce n'est pas parce que l'on met de la conscience instantanée en mémoire dans l'âme que ça change quelque chose. Vous le savez, vous ne le faites pas. Et c'est sûr, vous n'êtes pas là pour le faire. Du point de vue de l'âme, l'homme n'est pas là pour accomplir. L'homme est là simplement pour stocker, accumuler de la mémoire. Et étant donné que la petite parcelle d'intelligence s'est identifiée à la mémoire, trop impatiente énergétiquement d'attendre, eh bien, on a un problème. L'inidentification ne tue pas l'homme. L'inidentification engendre le maître. L'inidentification engendre quelque chose comme un enfant avec lequel j'ai travaillé lorsque j'étais à Sainte-Justine. Première fois que je l'ai rencontré, il avait un cerceau autour de la tête avec des vis placées dans le crâne. Il avait la même chose au niveau des genoux, puis là, il était en grosse traction, parce que la colonne vertébrale était plutôt serpentaine. Or, il avait quel âge? J'ai dû redire, il était plus grand que son âge, parce qu'il était tiré. Il était maigre, maigre, maigre, maigre, mais aussi maigre que les os. Et il ne se plaignait jamais. C'était un imbécile. Lorsque les infirmières voulaient lui laver la tête, eh bien, on lui lavait la tête. Lorsqu'il écoutait la télévision, une émission qu'il aimait bien, on rentrait, on avait quelque chose à faire, ah ben, on le faisait. Ce n'était pas un enfant qui avait accepté de mourir, absolument pas. La mort, ça ne le dérangeait même pas, la vie non plus. C'était un enfant similaire à ce que bien des parents auraient souhaité, et bien des parents auraient été drôlement déçus de l'avoir, parce que bien des parents auraient senti que leur enfant était anormal. Un enfant qui se lève le matin, qui fait son lit, qui fait toutes ses affaires comme il faut, qui ne salit jamais rien, qui est toujours à l'heure, qui a 100% à l'école, qui fait tout ce que vous lui demandez, qui prévoit même en avance, que tout le monde l'aime. Si on n'a pas peur de se le faire voler, on se sent mal pareil. Et ce jeune-là, ben, il était suffisamment inidentifié. C'est-à-dire qu'il n'était pas malade. C'était le corps qui avait des problèmes. Ça ne le regardait pas lui. Il était pogné dedans, absolument pas. La conscience n'est pognée nulle part. Par contre, la mémoire qui voudrait vivre de l'expérience, ben, d'autres mémoires chez elle, elle a besoin d'un corps qui va marcher. Mais dans cet enfant-là, c'est la conscience qui prédominait. Alors, l'expérience, il n'y avait rien là. Ce n'est pas nécessaire d'être malade. Vous n'êtes pas votre corps. Par contre, une conscience intelligente va l'entretenir. Mais si ça tombe malade, bien, ça tombe malade. Si ça vieillit, bien, ça vieillit. Du point de vue strictement psychologique, l'inidentification libère l'homme de la manipulation dont provient la souffrance. Mais du point de vue cosmique, l'inidentification permet à l'homme de pouvoir engendrer une conscientisation très limitée, très localisée au niveau de son corps et faire en sorte que le corps ne vieillisse pas. Il peut même engendrer une rétrogradation d'identification, c'est-à-dire de perception de conscience localisée, et faire en sorte que le corps va rajeunir. Étant donné que la majorité des créatures du temps sont assujetties au monde de la mort, au ciel, donc à une mémoire collective, ils vont tous devoir expérimenter dans leur perception illusoire, mémorielle de conscience, le rajeunissement du corps, du maître. Alors qu'en réalité, le corps ne fait qu'exprimer une mémoire, tous les individus auront l'impression que le corps du maître se rajeunit. Et pendant ce temps-là, tous les individus auront l'impression que leur corps vieillit. du point de vue cosmique, l'inidentification est une identification à l'existence totale. L'existence totale, je répète, c'est le pissenlit vert, jaune et blanc. Être capable de conscientiser le pissenlit d'une claque à travers toute son évolution, là, on tient le pissenlit. Alors, comment pouvons-nous comprendre le rôle de l'homme si notre conscience provient de la conceptualisation d'une existence fragmentaire au lieu d'une existence totale? Fragmentaire, j'ai 20 ans, 25 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, ou etc. Fragmentaire, je suis une femme, je suis un homme. Fragmentaire, moi je suis mécanicien, mais tout est médecin. Fragmentaire de plusieurs manières. L'être humain, dans le gros de son identification, est une créature du temps. C'est-à-dire qu'il n'existe que parce qu'il a de la mémoire. Et cette mémoire, lorsqu'il s'en rappelle, lorsqu'elle est vomie au niveau de sa conscience, lui donne l'illusion qu'il vit. Celui qui vit de l'inidentification, celui qui l'exprime, n'a pas besoin de se rappeler pour savoir qui il est. Nécessairement, il ne peut pas souffrir, parce qu'il ne se rappelle même pas la continuité de la souffrance. Ça fait 3 ans que je suis comme ça. Inidentifié. Ça fait pas 3 ans que je suis comme ça, ça fait même pas 5 secondes. Ça fait... C'est quoi? Allô? La vie est belle. J'ai soif, je bois. J'ai faim, je mange. Je joue. Mais tout ce qui passe est passé. Tout ce qui vient, vient. Et je ne m'identifie pas à des éléments mémoriels de ce qui s'est passé. C'est un processus compliqué à saisir. Mais c'est un processus qui est inévitablement à percevoir par la mémoire. On fait une petite pause de 15-20 minutes. Vous avez des questions, on peut les poser sur papier. Si vous avez une grande gueule, vous pouvez m'y aller poser au micro. À tout à l'heure.